Dans andarci, y aller, le ci, qui représente le lieu et qui correspond au i français, se met à la fin du verbe andarci, c'est-à-dire au même endroit que lo ou mi, dans dirlo, le dire, ou dirmi, me dire. Ça, c'est la règle générale, mais en fait, il y a des cas où il y a une autre possibilité. Par exemple, comment dites-vous « je veux le faire » ? Voglio farlo. Voglio farlo. Mais lo peut aussi se placer devant le verbe, comme en français quand on dit « je le veux ». Tiens, rappelle-moi comment on dit « je le veux ». Lo voglio. Lo voglio. Voilà. Et je veux le faire, toujours avec le devant. Lo voglio fare. Très bien. Lo voglio fare. Alors, voilà. Vous avez deux possibilités avec ci, lo, la et mi. Soit vous les mettez tout au début de la phrase, soit vous les accrochez à la fin du verbe à l'infinitif. Donc, vous avez compris qu'on peut dire soit « voglio farlo », soit « lo voglio fare ». Vous emploierez peut-être uniquement la première option, mais je vous donne les deux pour que vous puissiez les comprendre lorsque vous les entendrez. On pourrait vous dire par exemple « non lo posso fare ora. » Là, vous avez non lo posso, comme si vous disiez je ne le peux pas faire, au lieu de je ne peux pas le faire. Les deux possibilités sont correctes, donc vous pouvez en utiliser toujours une. Mais vous devez être capable de comprendre l'autre aussi. Alors, reprenons. Comment diriez-vous « je ne peux pas le faire maintenant » en utilisant « lo » devant le verbe conjugué. « Non lo posso fare ora. »« Non lo posso fare ora. » Oui. Ou alors « non posso » « non posso farlo ora. » »« Non posso farlo ora. » Oui. Comment diriez-vous « pourquoi ne pouvez-vous pas m'aider maintenant » en utilisant « mi » après l'infinitif ? « Perché non può... » Aider, c'est « aiut... » Ah oui, « aiutare ».« Perché non può aiutarmi ora ?» Perché non può aiutarmi ora? Oui, mais vous pouvez aussi utiliser mi devant le verbe conjugué. Ici, può. Dites-moi alors, en mettant mi devant può, pourquoi ne pouvez-vous pas m'aider maintenant? Ah, perché non mi può aiutare ora? Voilà, oui, très bien. Perché non mi può aiutare ora? C'est facile de raccrocher le mi au verbe à l'infinitif. Mais c'est aussi important de comprendre comment fonctionne l'autre variante, avec le mi devant le verbe conjugué. Et maintenant, comment diriez-vous « ce n'est pas encore prêt, mais ce sera bientôt prêt » Dites d'abord « ce n'est pas encore prêt ». Non è ancora... Je me souviens plus comment on dit « prêt ». Non è ancora pronto. Non è ancora pronto. Mm-hmm. Mais... Ma... Ce sera bientôt prêt. Sarà. Sarà. Sarà. Sarà, oui, bientôt prêt. En fait, En italien, on dit plutôt « ce sera prêt bientôt ». Sarà pronto presto. Voilà, non è ancora pronto, ma sarà pronto presto. Alors, faire se dit fare. Fare, oui. Fare vient du latin facere. Et c'est de ce mot qu'on part pour dire je fais. Donc, on ne dit pas fo, mais faccio. Faccio, F-A-C-I-O, je fais. Par contre, pour dire il fait, on a tout simplement fa. Donc, pourquoi ne le faites-vous pas? Se dira. Perché non fa? Pourquoi ne le faites-vous pas? Perché non lo fa? C'est ça. Perché non lo fa? Et je le fais maintenant? Faccio. Je le fais. Lo faccio ora. Lo faccio ora. D'accord. Vous pouvez dire aussi je suis en train de le faire maintenant. Ce qui se dirait? Sto. Oui. Sto farendo. Non, en fait, c'est facendo. Encore une fois, parce que ça vient du latin facere. Je vois. Facendo. Sto facendo ora. Oui, mais je suis en train de le faire maintenant. Sto facendolo ora. Très bien, oui. Sto facendolo, c'est je suis en train de le faire. Ou on peut dire aussi lo sto facendo. Et si vous dites sto per farlo, là, ce serait je suis sur le point de le faire, avec l'infinitif et lo qui se rattache à la fin. Sto per farlo. Je suis sur le point de le faire. On a le même problème avec dire qu'avec fare. C'est-à-dire que pour traduire je dis, on ne peut pas dire simplement do. On dit dico. D-I-C-O. Dico. Parce que ça vient de dicere en latin. Donc, dico, c'est je dis. Et dice, c'est vous dites. Il dit ou elle dit. Alors, comment diriez-vous? Qu'est-ce que vous dites? Che cosa dice? Che cosa dice? Et pourquoi ne me dites-vous pas où il est? Perché non... Perché ne me dites-vous pas? Perché non mi dice... Oui, perché non mi dice où il est? Dove... Dov'è? Perché non mi dice dov'è? Très bien. Perché non mi dice dov'è?